Affaires sensibles, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 15h. Aujourd'hui dans Affaires sensibles, la commission Vérité-Réconciliation en Afrique du Sud. D'avril 96 à octobre 98, les Sud-Africains se lancent dans une expérience unique de justice. Justice dite restaurative. Les victimes de crimes pendant l'apartheid, et leurs proches, mais aussi leurs bourreaux, sont invités à venir raconter leur histoire au cours d'audiences publiques. Le but de cette commission, solder les comptes de l'apartheid en évitant le bain de sang. Le régime ségrégationniste sud-africain, aboli en juin 91, est alors en pleine transition démocratique. Nelson Mandela est élu président en avril 1994 et une nouvelle constitution est élaborée. Mais 43 ans de ségrégation raciale laissent forcément une blessure profonde, la cicatrisation est d'autant plus difficile. Le défi de Nelson Mandela est donc immense. Comment faire naître une nation unie de ce terreau-là? Comment créer un pont entre les 35 millions de Noirs, les 6 millions de Blancs et les 3 millions d'Indiens et Métis qui doivent cohabiter dans le pays? Enfin, comment donner vie au miracle sud-africain? Sous la présidence du prix Nobel de la paix, l'archevêque Desmond Tutu, une grande enquête est menée au cœur des crimes de l'apartheid. Et il s'agit d'écouter, de faire ressortir la vérité, d'amnistier au cas par cas, mais en aucun cas de condamner. Notre invité aujourd'hui, Georges Lory, ancien journaliste, traducteur et écrivain, conseiller culturel en Afrique du Sud de 1990 à 1994. Vous entendrez également, au cours du récit, des extraits des audiences de la commission mise en ligne par la télé publique sud-africaine. Affaires sensibles, une émission de France Inter, en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Héloïse Davio, coordination Christophe Barrère, réalisation Jérôme Boulet. Fabrice Drouel, Affaires sensibles. Sur France Inter. The time for the healing of the wounds. Le temps est venu de guérir les blessures. The moment to bridge. Le moment est venu de réduire les abîmes qui nous séparent. Le temps de la construction est devant nous. Nous avons conscience qu'il n'y a pas de chemin tout tracé vers la liberté. Nous savons bien qu'aucun d'entre nous ne peut réussir seul. Nous devons pour cela agir ensemble, en peuple uni, pour la réconciliation nationale, pour la construction de la nation, pour la naissance d'un nouveau monde. La tâche est immense. Nelson Mandela propose ces mots lors de son discours d'investiture le 10 mai 1994. Oui, une vraie proposition. Les premières élections multiraciales post-apartheid viennent de le porter à la tête de la jeune République sud-africaine démocratique. 3 ans après l'abrogation des lois cadres de l'apartheid, sa mission est périlleuse. Car la plaie est encore béante, elle est à vif même. Il lui faut désormais réunir Noirs, Blancs et Métis après des siècles d'oppression, 43 ans d'une législation ségrégationniste et autant d'années d'humiliation, de violence et de crimes entre communautés. Alors, que faire de ce sombre passé? L'effacer? Redémarrer à zéro? Ou au contraire, condamner sévèrement chaque coupable un à un? Pendant les mois qui précèdent l'organisation des élections, les négociations vont bon train entre représentants de l'ancien pouvoir blanc du Parti National et les mouvements de libération noire, l'ANC en tête. Les hommes et femmes chargés de négocier la transition finissent par trouver un compromis. Ni amnistie générale, ni épuration, non. Ils optent pour une commission vérité. Le 19 juillet 1995, la loi relative à la promotion de l'unité nationale et la réconciliation est adoptée par l'Assemblée constituante. Le texte institue la commission Vérité et Réconciliation. L'organe a pour mission de collecter les témoignages, d'indemniser les victimes et d'amnistier ou non les coupables qui en font la demande et qui s'engagent à dire toute la vérité, à exprimer leurs regrets également. L'initiative ne fait pas l'unanimité. Plusieurs familles de militants anti-apartheid assassinés par les forces de sécurité, comme la veuve de Steve Biko, déposent un recours devant la Cour constitutionnelle contre la commission. Elles craignent en effet de ne pouvoir poursuivre en justice les meurtriers de leurs proches. Reste à désigner les personnalités qui siégeront. Pour superviser les travaux, il faut une figure incontestable, aux qualités d'écoute reconnues, une sorte de grand sage. Pour Nelson Mandela, qui d'autre que son vieil ami Desmond Tutu pour relever le défi de la réconciliation ? L'archevêque de l'église anglicane du Cap, militant anti-apartheid et prix Nobel de la paix en 1984, s'est fait le chantre de la paix et de la non-violence. Autour de lui, 16 personnalités de la société civile, avocats, médecins, religieux, issus de toutes les communautés, l'épauleront. Car il est impératif de ne pas donner l'impression d'une justice à sens unique. La commission se réunit pour la première fois le 16 décembre 1995 dans la demeure de Desmond Tutu dans le quartier chic de Bishop's Court au Cap, devant des dizaines de journalistes. Sur les images, les commissaires semblent intimidés. Le président de la commission prend la parole pour une courte allocution devant micros et caméras. Nous sommes un peuple blessé à cause des conflits de notre passé. Et peu importe de quel côté nous étions, nous autres, à la commission, ne sommes ni des surhommes, ni des exceptions. Nous avons aussi besoin du pardon, nous avons aussi besoin de pardonner. Desmond Tutu fixe la feuille de route. La commission va consacrer le droit des familles à obtenir justice. L'archevêque insiste sur ce point. Il ne s'agit pas seulement d'évoquer les cas les plus emblématiques, non. Les audiences doivent servir de tribune à toutes les victimes. Connues ou inconnues, toutes doivent pouvoir raconter ce qu'elles ont vécu. 4 mois plus tard, la grande libération de la parole commence, enfin, après plusieurs décennies de silence. Avril 1996, il est 11h en Afrique du Sud. Le temps se suspend. Aux quatre coins du pays, de Johannesburg à Cape Town, des townships de Soweto et Alexandra au nord à ceux de Kayelitsha et Langa au sud, les gens se rassemblent devant la télé pour assister à un événement historique, la première journée d'audition de victimes de l'apartheid de la Commission Vérité et Réconciliation. Celle-ci se tient à Meredith London, une cité balnéaire du Cap-Oriental. Premier contact maritime avec l'Europe, la région a aussi été le théâtre des premiers affrontements entre noirs et blancs. La salle d'audience est pleine à craquer. Le public, endimanché, prend place où il peut, dans les escaliers, dans les galeries, à même le sol. La chaleur est étouffante, l'atmosphère pesante. Quand les 17 commissaires entrent dans l'arène, l'un d'eux, Bonganifinka, entonne l'hymne Xoka Isalizin Digako, très vite suivi par tout l'auditoire. Le pardon des péchés rend à l'homme son intégrité, scande le chant. La journée démarre comme une grande messe, la tient sûrement à la personnalité du président, l'archevêque Desmond Tutu. L'homme en soutane et mitre violette allume alors un cierge blanc orné d'une croix rouge et entonne cette prière. Nous aspirons à remiser la douleur et les divisions causées par l'apartheid, de pair avec toute la violence qui en son nom a ravagé nos communautés. Nous te demandons d'accorder à cette commission vérité et réconciliation ta sagesse et tes conseils, comme à un corps qui cherche à réparer les blessures dans les cœurs et dans les corps de ceux qui ont souffert. L'ambiance, on le voit, est solennelle, le ton est donné. Au cours de son discours introductif, Desmond Tutu insiste. La commission n'est en aucune manière une cour de justice. Révéler la vérité, guérir les blessures, permettre le pardon et la repentance, oui. Condamner, certainement pas. Les premières victimes invitées à s'exprimer ont pris place dans les premiers rangs. Nolle Moape, la veuve d'un militant mystérieusement suicidé en prison, est la première à s'installer à la table des témoins. Viennent ensuite les femmes de trois leaders du mouvement de l'organisation civique des Noirs de Port-Elisabeth, aussi connue comme les trois du PEPCO. Au début des années 80, Sifo Haché, Kakaouli Godolosi et Champion Galéa deviennent les cibles des services de sécurité. Leurs familles subissent alors un harcèlement incessant jusqu'au 8 mai 1985, date à laquelle les trois du PEPCO disparaissent mystérieusement. Comme chaque témoin, la veuve de Champion Galéa commence à raconter les souvenirs de cette journée. Le 8 mai, mon mari est rentré à la maison avec Monsieur H de leur bureau. Il a apporté de la nourriture qu'il voulait que je lui prépare et il m'a dit qu'il devait filer à l'aéroport au consulat britannique. Ni Champion Galéa, ni ses compères Sifo Haché et Kakaouli Godolosi ne rentreront chez eux, non, jamais. Les années passant, leurs femmes se sont fait une raison. Leurs maris sont morts. Alors, elles espèrent que la commission apportera des réponses à leurs questions. Je n'ai jamais enterré mon mari, puisqu'ils l'ont tué, lui et ses amis. Mon seul souhait, c'est que la commission détermine où ils ont été tués et pourquoi ils ont été tués. Nous voudrions savoir qui sont les tueurs. Le tueur devrait venir devant nous pour avouer. Oui, nous les avons tués, nous les avons tués. Des vies en suspens, des proches en quête d'explication. Pour la première semaine d'audition, les commissaires ont choisi d'exposer des cas considérés comme exemplaires. Les trois de PEPCO et les quatre de Cradock. Ces surnoms n'évoquent rien ici en France, mais dans la mémoire des Sud-Africains, ils résonnent puissamment. Cradock, c'est le nom d'une ville moyenne du Cap-Oriental, au nord-est de Port-Elisabeth, devenue emblématique des crimes de l'apartheid. Le 27 juin 1985, quatre militants opposés à la ségrégation raciale des townships de Karou, Matthew Goniwe, Fort Katala, Sparrow Nkonto et Sicelo Meoli, sont enlevés par la police secrète et tués. Leurs corps sont brûlés et retrouvés plus d'une semaine plus tard. Mbuiselo Mlaouli, l'épouse de Sicelo Meoli, livre un récit glaçant. Ils lui ont tranché la main droite. Nous l'avons enterré sans sa main droite. Nous ne savons pas ce qu'ils en ont fait. Nous voulons cette main. Même si nous l'avons enterrée. Il paraît qu'elle est au poste de police du township. Le témoin suivant confirme les propos de Mbuiselo Mlaouli. Au poste de police Louis Le Grancy, on m'a montré une bouteille avec un liquide et une main dedans. Et je me suis rappelé que Sicelo avait été enterré sans main. Qui vous a montré la main ? C'était Ratinga. Et il y avait un autre mis en cause de Port-Elisabeth, lié à l'explosion d'une bombe, Newhout. Newhout, Gédéon, Newhout, prononciation non garantie comme tous les autres noms de ce récit d'ailleurs, mais retenez ce nom-là, Newhout. Ce policier était l'un des plus redoutés des membres des forces de sécurité dans la région du Cap-Oriental. De témoignage en témoignage, l'ampleur des exactions et les noms des responsables commencent à pointer. Des récits d'une cruauté sans nom s'enchaînent. L'une raconte avoir vu son enfant mourir sous ses yeux, sous les roues d'un fourgon de police, empêché par les agents d'aller le serrer dans ses bras. Une autre explique que les mains de son mari, le crâne défoncé, ont été coupées pour éviter que ses empreintes digitales ne soient relevées. Il y a aussi cette femme qui revoit sa meilleure amie toquer à sa porte, les cheveux en flammes, pleurant après son bébé resté à l'intérieur de sa maison incendiée. Pour les journalistes sud-africains installés en salle de presse, chaque témoignage est reçu comme un hypercute. Ils prennent en pleine face les crimes de l'apartheid. Régulièrement, ils se recouvrent les joues couvertes de larmes, incapables de taper sur leur clavier. Certains récits sont particulièrement difficiles à supporter, comme celui de Singo Kwana Malgas, un homme victime de torture, venu raconter son calvaire. Condamné à 16 ans de prison dans les années 60, il est arrêté à plusieurs reprises après sa libération. et à chaque fois, il subit des supplices plus abominables les uns que les autres. Voici la description qu'il en fait. C'est ce qu'ils appellent le supplice de l'hélicoptère. Ils m'ont asphyxié en me mettant un masque sur le visage. Avec la méthode de l'hélicoptère, ils mettent un bâton derrière vos genoux et vous suspendent à l'envers. Et pendant ce temps, vous suffoquiez. Silence dans la salle. L'homme, submergé par l'horreur de ses souvenirs, ne peut aller plus loin. Les commissaires en face de lui tentent de lui apporter un peu de réconfort en le couvrant de regards compatissants. Avait-il mesuré l'ampleur et la violence des paroles qu'ils auraient à entendre ? S'était-il préparé à la révélation de tant de blessures et de tant de chagrins ? Peut-on d'ailleurs s'y préparer ? Desmond Tutu, le président de la commission, ne peut plus se retenir. L'émotion de Sinkwala Malgas lui arrache un sanglot qu'il tente de canaliser en dissimulant sa tête derrière sa table, avant de se reprendre. Il y a eu beaucoup de cruauté. Il y a eu beaucoup de cruauté dans ce pays. C'est en train d'être exorcisé, mais il y a eu beaucoup de cruauté. Et le récit des cruautés ne fait que commencer. Mais les coupables de tant d'inhumanité, on les trouve aussi dans les rangs des mouvements de libération noire. Grahamstown, près de Port-Elizabeth, 1986. En ce samedi matin, Nontoutou Zelompello est occupé à vendre des fruits et préparer le repas, comme d'habitude. Son mari, Fekile, lui réclame une soupe pour le déjeuner. Elle l'envoie d'abord balader, là, autre chose à faire, mais il insiste. Bon, très bien, elle lui fera une soupe pour le déjeuner. En attendant, Fekile quitte la maison et se rend sur High Street, où vit un oncle qui le rend visite tous les samedis. Midi arrive, Fekile ne rentre pas. Donc Toto Zelo commence à s'inquiéter. Les minutes défilent, la panique monte, lorsqu'une voisine, Madame Madiba, arrive devant chez elle. Son mari vient d'être tué d'une balle dans la tête par un groupe de jeunes gens de sa propre communauté. Elle raconte la suite lors de son audition devant la commission Vérité. Ils sont revenus vers 11h du matin. Parmi ces jeunes, il y avait une fille en mini-robe avec trois autres. Elle m'a dit « Je peux te tirer dessus à tout moment ». Elle a pointé un pistolet sur moi et j'ai levé mes bras en suppliant pour ma vie. Vous avez déjà tué un innocent. Maintenant, vous êtes venu tuer ma famille. Qu'avons-nous fait ? Elle m'a dit, on nous a envoyé pour vous tuer et brûler la maison. Mais combien pu faire Nontoutou Zelo et son mari pour mériter pareille punition ? La cause de leur malheur se niche dans la déclaration d'un ancien espion, Craig Williamson. D'après lui, Steve Biko, le leader de l'Association des étudiants sud-africains et de la Black People Convention, mort en détention le 12 septembre 1977, aurait été à l'époque arrêté après avoir été trahi par un informateur de la police. Il n'en fallait pas plus pour faire naître la suspicion dans les villes fréquentées par Steve Biko. À Grahamstown, le bruit court dans la communauté que Fekile Mfello est le mystérieux délateur. Sans aucune preuve, bien sûr. Eh, ça lui coûte la vie. Le phénomène de paranoïa généralisé qui s'empare des communautés noires pendant l'apartheid fait de nombreuses victimes. Leurs familles défilent à la barre de la commission. Les bourreaux, cette fois, sont issus des rangs de l'ANC, du Black Consciousness ou d'autres mouvements de libération noire. Les opprimés deviennent oppresseurs de leurs propres frères et sœurs. Mais Nelson Mandela comme Desmond Tutu sont bien décidés à ne rien occulter, car une justice, à sens unique, n'aurait qu'un seul résultat, l'échec de la commission. La paix, Félicona. Hassim Bonanga. latina, la pecona, la pefelicona. Pas de réconciliation sans vérité totale, même si elle dérange, c'est le principe. La liberté des Noirs sud-africains a été acquise au prix de nombreuses victimes et tant de sang versé. Pour en témoigner, les victimes des attentats perpétrés par l'ANC et les autres mouvements de libération, ainsi que leurs proches, sont également invités à venir donner leur part de vérité. Karl Weber, par exemple, touché par une fusillade alors qu'il buvait un verre au bar de l'hôtel Highgate à East London le 1er mai 1991. Une attaque qui avait fait 5 morts. L'homme a survécu, mais a laissé un bras et 90% de l'utilisation du second. Ou alors Beth Savage, une jeune femme présente lors d'un assaut au club de golf Kings Williamstown, grièvement blessée et traumatisée. Face à la question du pardon, chacun réagit à sa manière. Ma vie a changé du jour au lendemain. Je suis devenu handicapé. Cela m'a pris du temps d'accepter. Maintenant, je l'ai accepté et je dois continuer à vivre au quotidien. Je ne l'oublierai jamais. Et je pense que justice devrait être faite. Je voudrais rencontrer l'homme qui a jeté la grenade dans une attitude de pardon. Et j'espère qu'il pourra me pardonner aussi, pour quelque raison que ce soit. Mais j'aimerais beaucoup le rencontrer. Alors, condamner les coupables ou pardonner ? Pendant les 6 mois que durent les auditions des récits de violation des droits de l'homme, c'est la question qui se pose pour chaque victime. À ce stade du travail de la commission, la règle est incontournable. La vérité est un préalable au pardon. D'ailleurs, très peu de victimes demandent des réparations financières. L'autre, grand enseignement, c'est la répartition géographique des crimes. On les croyait cantonnés aux grandes villes et aux townships. Or, là, on prend conscience que la moindre petite ville, le moindre village a été touché. Dans ce tableau des horreurs de l'apartheid, un fait majeur se dessine. La majorité des cas de torture, enlèvements et meurtres rapportés se sont déroulés pendant la décennie 80 jusqu'au tout début des années 90, sous la présidence de Peter Botha. Alors, qui savait, qui a décidé, qui a cautionné. La deuxième phase de la commission consacrée aux demandes d'amnistie doit permettre de répondre à ces questions. Oui. Mais les coupables ne diront-ils rien que la vérité, toute la vérité ? Certains vont ouvrir leur mémoire au-delà de toute espérance. Ils ont été sortis du garage, portés l'un après l'autre. Le capitaine Van Zyl a tiré sur M. H. Avec un calibre 22. Il m'a tendu le pistolet. Ce après quoi, j'ai à mon tour tiré sur M. Godelosi. Et M. Lotz a tiré sur M. Galela. Nous avons placé les trois corps sur un tas de bois. Avons versé de l'essence sur eux et sur le bois. J'ai allumé le feu. Début novembre 1997, devant la commission des demandes d'amnistie, Gédéon Niout confesse sa participation à l'assassinat des trois du PEPCO. Sifo Haché, Kakawuli Godelosi et Champion Galela. Un an et demi plus tôt déjà, les témoignages de leurs veuves avaient marqué la première semaine d'audition. Le récit de Gédéon Niout est riche en détails. Elles vont peut-être enfin connaître la vérité, ces femmes blessées. L'homme, colonel dans les forces de sécurité à l'époque des faits, demande l'amnistie pour ses trois meurtres et bien d'autres encore. Il est accusé d'avoir torturé et tué Steve Biko, les militants Sifiwe M. Timkulu et Topsiem Daka, entre autres. Pourquoi avoir éliminé les trois militants du Port Elizabeth Black Civic Organization ? Parce que le mouvement était devenu incontrôlable, tout simplement, explique Newt. À ses côtés, comparaissent les autres policiers qui ont participé à l'opération. Ils donnent une version quelque peu différente de la sienne. D'après eux, les trois membres du Port Elizabeth Black Civic Organization ont été battus à mort et non abattus de sang-froid. Et alors, c'est aussi horrible ? Oui, mais ça change tout. D'une part, cela signifie que Newt a menti. Or, dire la vérité, rappelons-le, est l'une des conditions pour obtenir l'amnistie. Mais Newt persiste et signe. Il termine son intervention par l'expression de ses regrets les plus sincères. Pour peu, il nous tirerait une petite larme. Il le sait, la rédemption est la seconde condition à remplir pour être amnistié. Comme lui, nombreux sont les policiers, membres de forces spéciales, militaires et généraux à venir s'épancher devant les quatre juges qui président la commission des demandes d'amnistie depuis octobre 1996. Leurs regrets sont-ils toujours sincères ? Sans doute pas. Mais si vous bien en passez par là, pour éviter la casse prison, ce qui ne sera pas le cas de Gédéon Niout, ses demandes d'amnistie étant refusées. Les récits froids des méthodes de torture et d'assassinat s'empilent et permettent de dresser un effroyable tableau. Dans ce contexte, le dernier président d'Apartheid, Frédéric de Klerk, présente ses excuses lors de l'audition du Parti National en mai 1997. L'Apartheid était une erreur. Je m'excuse en tant que leader du Parti National auprès des millions de Sud-Africains qui ont été durement touchés par les déménagements forcés de leurs maisons, de leurs entreprises et de leurs terres, qui, au fil des ans, ont eu la honte d'être arrêtés pour infraction à la loi sur les passeports intérieurs, qui, au fil des décennies et même des siècles, ont subi l'indignité et l'humiliation de la discrimination raciale, qui, pendant longtemps, ont été empêchés d'exercer leur plein droit démocratique sur leur terre natale. Permettez-moi de dire clairement que le Parti National et moi-même acceptons la pleine responsabilité de toutes nos politiques, décisions et actions. Frédéric de Klerk se garde bien d'endosser la responsabilité des actes les plus barbares perpétrés par les forces de sécurité. Pourtant, des révélations fracassantes vont bouleverser la commission. Elles sont le fait d'un homme, Eugène de Kock, Jean pour ses amis, aussi connu sous le surnom de Fléau de Dieu. Ce colonel a dirigé une unité très spéciale, basée dans une ferme du nom de Valksplast, le C-10. Et ce qu'il révèle choque profondément l'Afrique du Sud. Les hommes, sous son commandement, formaient des escadrons de la mort chargés d'éliminer les opposants les plus encombrants. Koch a déjà dû répondre de ses crimes devant la justice. Son procès se tient dans les premiers mois de la commission. Il écope d'une peine de 200 ans de prison pour plusieurs meurtres et pour fraude. La sentence lui laisse un goût amer, d'abord parce qu'elle est on ne peut plus lourde, elle est même ultime, mais aussi parce qu'il a le sentiment de prendre pour tout le monde, y compris pour les dirigeants et les hommes politiques au-dessus de lui. Eugène de Koch, n'ayant plus grand-chose à perdre, il décide de déposer une demande d'amnistie dans le cadre de la commission avec une idée fixe, se venger. Oui, alors, il va dire toute la vérité et il va mouiller tout le monde. En témoigne cette déclaration fin septembre 1997. Je me rappelle qu'à deux ou trois occasions, le ministre Vlok est venu à Vlakplaas. Je n'oublierai jamais ce qu'il a dit. Que nous, la police et les Afrikaners, ne vacillerons jamais. Je me rappelle d'un homme disant la même chose en Allemagne dans les années 40. Aucun membre du Parti national, y compris l'ancien président qui maintenant a fui, ne peut dormir en croyant qu'il dirigeait le pays avec le soutien d'une majorité. C'est impossible. Ils étaient maintenus au pouvoir par la police, l'armée et les services secrets. Il ne devrait y avoir aucun doute à ce sujet. L'argumentation est simple et classique. Koch n'est qu'un exécutant. Les décisionnaires sont bien au-dessus de lui dans la hiérarchie. Dans ses aveux, il met en cause plusieurs ministres, ainsi que l'ancien président Peter Botha, qui a déjà refusé toutes les invitations à venir s'exprimer devant la commission. Koch égratigne également Frédéric de Klerk. Et puis il cite tout le commandement des forces de l'ordre et il déclare « L'ancien chef de la police affirme que jamais l'ordre n'a été donné d'utiliser des méthodes illégales pour contrer le terrorisme. Il n'y a rien de plus faux. Le Vlakplaas était une unité chargée des opérations antiterroristes secrètes. Et secret sur ce terrain-là, ça veut dire illégal. La mort et la violence étaient entérinées au plus haut niveau. C'était une politique d'État », explique-t-il dans son autobiographie publiée pendant les travaux de la commission. Embarras du côté des anciens dignitaires du Parti National. Certains sont obligés de déposer à leur tour une demande d'amnistie. La vengeance d'Eugène de Koch permet à l'enquête de faire un grand bond en avant. Son discours de vérité est même salué par les proches de victimes. Commission de réconciliation, oui. Grand déballage également. Désormais, en tout cas, nul ne pourra échapper à la critique et aux aveux, même s'il faut forcer un peu. Desmond Tutu impose aux membres de l'ANC de déposer eux aussi des demandes d'amnistie pour les crimes commis dans le cadre du mouvement de libération. Il aura fallu que l'évêque, l'archevêque, menace de démissionner pour que l'ANC finisse par céder. Pour montrer l'exemple, une trentaine de responsables, au premier rang desquels Thabo Mbeki, dépose une demande d'amnistie collective au nom des crimes commis par l'ensemble des militants. Winnie Mandela, elle-même soupçonnée d'avoir monté une milice vengeresse, fait l'objet de plusieurs auditions spéciales. Résultat, le rapport final comporte un chapitre bien fourni qui recense une à une les exactions commises par les mouvements de libération noire. Pour Desmond Tutu, le président de la commission, il est indispensable de tracer une ligne claire entre le bien et le mal. Ce que l'ANC ne voit pas d'un bon œil, car ce rapport va entacher la mémoire de son combat. Le parti au pouvoir va donc tout faire pour en empêcher la publication. Mais le 29 octobre 1998, Nelson Mandela reçoit le lourd rapport de la commission Vérité et Réconciliation des mains de Desmond Tutu. Tellement lourd que l'archevêque manque de faire tomber les 6 tomes qu'il porte à bout de bras. Si la douleur a souvent été insupportable et les révélations choquantes pour nous tous, c'est parce que la Commission devait nous amener à comprendre ce qui s'est passé et restaurer une certaine humanité dans la nation. La Commission Vérité et Réconciliation qui nous a guidés dans ce voyage est la Commission de tout le monde. La vérité est sans doute la plus grande réussite de la commission. Noir, blanc, métis, chacun a pu raconter son histoire, partager son malheur et son désarroi, évoquer les disparus. Ces bouts de vie entremêlés sont à la fois le fondement d'un récit national et une immense psychothérapie collective. Mais les ponts dressés entre communautés sont bien fragiles. Du reste, la réconciliation tant voulue par Nelson Mandela et Desmond Tutu était-elle seulement possible? Le miracle sud-africain n'est-il qu'un mirage? Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, commission Réconciliation et Vérité en Afrique du Sud. Notre invité, Georges Laurie. Bonjour. Bonjour. Vous êtes écrivain et traducteur d'auteurs africaneurs. Vous avez été conseiller culturel à l'ambassade de France à Pretoria de 1990 à 1994. Et vous avez écrit plusieurs ouvrages sur l'Afrique du Sud, pays que par définition vous connaissez bien. Je rappelle qu'en juillet 1999, le 8 pour être précis, en Algérie, alors qu'il n'a qu'un point commun avec l'Afrique du Sud, c'est sur le même continent, mais chacun a un bout, a mis en place, après la terrible guerre civile de la décennie 90, une concorde civile qui ressemble à ce dont on vient de parler, mais qui va pas aussi loin. Alors en quoi cette commission Vérité et Réconciliation sud-africaine est-elle unique au monde? Parce que je crois qu'on peut dire qu'elle est unique au monde. Sans aucun doute. Vous l'avez très bien dit tout à l'heure, les victimes ont pu parler, et c'est essentiel. Et dans d'autres pays, ça s'est fait. Là où l'Afrique du Sud va plus loin, c'est que les bourreaux sont venus se confesser. Mmh. Et que, s'il était prouvé qu'ils avaient agi sur ordre et sans esprit de lucre, ils pouvaient recevoir l'amnistie. Il y a eu 7112 demandes d'amnistie, et seulement 879 accordés. C'est dire qu'en fait, très peu ont été initiés. Mais quand même, l'Afrique du Sud a été loin dans ce domaine-là. Et le troisième point, c'est que les victimes étaient en droit de demander une compensation. On y reviendra un peu plus loin. Je crois que dans aucun pays du monde, on a reconnu aux victimes le fait d'être victime et d'avoir droit à quelque chose. Si on y revenait maintenant, eh bien allons-y. Allons-y. Quelle compensation ? Une compensation financière. Monseigneur Toutou et son équipe l'avaient chiffrée de l'ordre de 12 000 euros au jour d'aujourd'hui. On a attendu assez longtemps et finalement Thabo Mbeki, président de l'Afrique du Sud en 2003, a décidé que ça se monterait à 30 000 randes, c'est-à-dire 2 000 euros d'aujourd'hui. Peut-être qu'avec l'inflation, on peut dire que c'était 3 000 euros, mais c'était donc bien en deçà de ce qu'avait demandé Monseigneur Toutou. Il était question, dans la commission Vérité et Réconciliation, d'ouvrir une espèce de taxe spéciale auprès des grandes entreprises de la Bourse de Johannesburg, qu'elles consacrent 1% de leur capital à un fonds qui servirait à indemniser. Ça n'a jamais vu le jour. Thabo Mbeki ne voulait pas faire fuir les capitaux dont son pays avait grand besoin. Et donc, ça s'est limité à cette petite somme. J'ai cru comprendre, pourtant, que ça n'était pas la motivation première des victimes de demander de l'argent. Ce que les victimes voulaient, c'est la vérité et une thérapie par la parole. Sans aucun doute. Maintenant, il y avait, je me souviens de ces dames qui expliquaient devant la commission, mon frère ayant été tué, j'ai élevé ses deux fils, j'aimerais un coup de main pour qu'ils aillent à l'université. Oui, enfin, au passage, quoi. C'était pas du tout la première demande. C'est ça. Mais si, alors ce qui était important, qu'on puisse faire une cérémonie des funérailles dignes à nos enfants qui sont morts. Ça, c'était important. Et c'est à peu près ce que cette somme a couvert. Que s'est-il passé entre le moment où Nelson Mandela est arrivé au pouvoir et le début de la commission? Il y a une fenêtre de silence de 2 ans, là, pour le coup. Est-ce que pendant ces 2 ans, il y a une sorte, pour appeler, d'épuration? Non. Il y avait ce qu'on appelait le golden handshake, où on essayait de faire partir les fonctionnaires blancs volontairement en leur offrant des conditions assez généreuses pour faire de la place à des fonctionnaires noirs. Dans cette période intérimaire, c'est comme ça que ça s'est passé. C'est ce qu'on appelle le spoil system, quoi. Voilà, donc ça a été fait en douceur. Ah, très bien. Alors, comment les Sud-Africains suivent-ils cette commission? Donc, journaux, télé, radio, ils y assistent. Et qu'est-ce que ça provoque dans la société sud-africaine? J'imagine que c'est quand même, c'est plus que l'actualité, c'est la mobilisation générale, non? Sans aucun doute, le fait que ça soit télévisé, enfin certains, pas toutes les victimes sont passées devant les caméras, mais quand même, ça beaucoup de gens sont restés scotchés devant ces débats avec cette personnalité incroyable qui était Monseigneur Toutou, qui effectivement se met à pleurer parfois tellement c'est dur ce qu'il entend, mais qui a aussi cette capacité de faire ressaisir après un coup d'émotion toute la salle. Il fait entonner des hymnes. Et comme c'est un pays très chrétien, la plupart des gens connaissent les hymnes ou des chants religieux. On l'a entendu tout à l'heure avec l'hymne national, qui est en fait un hymne religieux. Religieux, excellent. Et que dans cette commission, parenthèse, il y a énormément de religieux. Le vice-président, Alex Boren, a été pasteur méthodiste. Donc tout ça montre qu'il y a un substrat où tous les Sud-Africains pouvaient se réunir. Et donc, Monseigneur Toutou est capable de faire retomber un peu l'attention après toutes les atrocités qu'ils entendent. Alors, il devait y avoir quand même deux sentiments contradictoires. D'un côté, sentiment positif, la vérité va éclater, ça va nous permettre de nous reconstruire, bien sûr. Mais il y a le côté, le grand déballage. J'imagine que ça a fait très peur, et à tout le monde, et dans chaque camp. Ça a fait très peur, et notamment chez les Blancs. Le bon père de famille qui rentrait à 6h du soir était en fait, pendant la journée, un tortionnaire. Ouais. Alors, même si, comme je le signalais, peu de gens ont été poursuivis, malgré tout, reste ce regard de la collectivité des enfants sur leur père qui fait qu'il y a une espèce de justice immanente et que tous ont connu des problèmes psychologiques graves, oui. Tous ces tortionnaires. Mais alors peut-être qu'il tient ça, le miracle, si on peut parler de miracle sud-africain, le miracle d'avoir fait cette commission, c'est que malgré la peur, je dirais légitime, entre guillemets, du déballage, ça s'est produit quand même, parce que ça aurait pu vraiment empêcher le processus. La peur du déballage. Oh, surtout pas. On va dire des choses, faut surtout pas la faire. Je crois que la majorité noire avait quand même tellement souffert. Mmh. Et sur les victimes, sur les 20 000 victimes, 19 000 étaient noirs. Enfin, c'est quand même ça. Ils avaient envie de savoir. De savoir exactement ce qui était arrivé à leurs proches. Donc, de ce point de vue-là, les noirs... Évidemment, il y avait des informateurs noirs, et il y en a beaucoup. Il y en a qui n'étaient pas du tout informateurs et qui ont été tués. Enfin, tout ça, ça a quand même permis de tout faire remonter au grand jour. Et je crois que globalement, les Sud-Africains, c'était pour eux une épreuve, mais ils voulaient que ça se passe. Et ça s'est passé. Et pour l'histoire, maintenant, tout ça est gravé et on peut avoir accès à toutes ces archives. C'est très important. Le silence eût été pire. Certainement. Alors, ils ont tous été marqués, les membres de la commission. Desmond Tutu est tombé malade. On l'a vu pleurer. Est-ce qu'il s'attendait à tant de souffrances, finalement? Est-ce que les membres de la commission étaient préparés à entendre tout ça? Non, ils étaient d'ailleurs suivis sur le plan psychologique. Mmh. Et si vous le permettez, à vous qui êtes journaliste, les journalistes qui le suivaient ont été également frappés dans leur corps. Heureusement. Heureusement qu'il n'y a pas cette fameuse distance journalistique qui peut confiner à une forme d'inhumanité. Un journaliste est un humain, normal. Mais c'est bien. En effet, Antje Krok, dans son livre Témoignages, raconte que elle parle avec des collègues et chacune a des mots très très durs. Et leurs collègues noirs disent non, nous on est habitués à la violence, on a vu ça depuis notre enfance. Et le psychologue qui les rassemble dit mais c'est curieux, pourquoi est-ce que vous seriez immunisés? Et en fait, leur stress aux journalistes noirs transparaissait d'une autre façon. Ils s'étaient fait agressifs avec leurs enfants, alors que d'habitude, l'enfant roi, on n'y touche jamais. Donc, chacun, à sa manière, avait pris en interne, en soi, toute la douleur de ce qu'ils entendaient. Alors, justement, l'écrivaine sud-africaine, afrikaner, comment on prononce Antje Krok? Antje Krok, si vous voulez bien prononcer, mais on va dire Krok. Bon, j'ai bien fait pendant le récit de démissionner par rapport à la prononciation exacte des mots. Enfin, on fait ce qu'on peut. Mais redites-moi parce que j'ai... Non, on va dire Antje Krok. Voilà, Antje Krok, donc écrivaine sud-africaine, afrikaner, suivait à l'époque la commission pour la radio. Elle a donc écrit ce livre, la douleur des mots, que vous avez traduit en français. Et voilà ce qu'elle écrit. Au début, il s'agissait de voir interminablement se remplir la tête de cendres, pas d'air, pas de rire. À la vue, on ajoute désormais la parole. Eh bien, elle nous anéantit, comme un feu, un raz-de-marée. Ce ne sont pas ce que nous appelons des larmes, non, l'eau couvre nos joues, et nous ne pouvons plus taper sur nos claviers, ni penser. Ça montre à quel point ils ont été secoués, et on comprend. Alors, l'un des objectifs de cette commission, donc, est aussi de démêler les responsabilités. Il ne s'agit pas que de parler. Plusieurs hauts responsables sont entendus, notamment Frédéric de Clercq, et ses excuses. Je vous propose d'écouter ce qu'en dit Yasmine Soka, qui faisait partie des 16 commissaires autour de Desmond Tutu. Elle s'est exprimée sur France Culture dans l'émission Grande Traversée. C'était en janvier 2007. C'est vrai que Frédéric de Clercq est venu devant la commission et pas seulement une fois. Il est venu à deux reprises. Et je pense que par rapport à lui, les attentes étaient énormes. On s'attendait à ce que l'homme qui avait participé au gouvernement depuis 1948 nous dévoile les structures politiques qui étaient derrière ce qui s'était passé. Comment on en était arrivé aux escadrons de la mort? Il y avait des groupes secrets d'assassins parmi les militaires et les policiers. On pensait qu'il nous dirait comment ils avaient été créés, mais à notre grand étonnement, même s'il a admis que l'apartheid était une erreur, il n'en a jamais dit plus. Et quand on l'a interrogé sur les actes criminels que l'État avait commandités, il a nié la responsabilité de l'État. Et en fait, il a créé trois catégories d'individus comme des pommes dans un panier. Bon, on sent la déception, effectivement, parce qu'on pouvait attendre de Clercq, beaucoup plus que de Botta, évidemment. Rappelez-nous quand même qui était Frédéric de Clercq. De Clercq est un petit-fils de président de la République bourde de l'Orange. Lui-même est venu ministre, député puis ministre très jeune. Et je crois que pendant les 27 ans de la détention de Mandela, lui a été ministre pendant 23 ans. Donc il y a quand même un écart. Il a eu plusieurs portefeuilles. C'est vrai qu'il n'est pas connu comme étant un sanguinaire, quelqu'un qui a été particulièrement répressif. Mais le fait est qu'il a... il a été membre actif du régime pendant très longtemps. Du côté de l'ANC, il y a une personnalité que les investigations de la commission gênent beaucoup, c'est Willie Mandela. L'ex-femme de Nelson Mandela, des séances et des audiences spéciales lui ont été consacrées. Pourquoi y avait-il un malaise autour d'elle? C'est un très grand malaise parce qu'elle a eu comme une double vie. Elle a épousé Nelson Mandela très tôt, lui-même étant parti dans la clandestinité, puis enfermé. Elle n'a jamais eu de vie de couple, hormis les deux premières années, donc c'est très dur. Elle a été enfermée, torturée, et puis exilée dans un coin perdu de l'Orange. Ensuite, à la fin des années 80, elle revient à Soweto, et grâce à des capitaux en Scandinave, elle peut se faire construire une maison. Et là commence le dérapage. Elle devient chef de gang, elle s'entoure de petites frappes sous le titre de Mandela Football Club. Et elle, ses garçons mettent en coupe réglée plusieurs quartiers de Soweto et surtout capturent et torturent des enfants ou des jeunes soupçonnés d'être des informants de la police. Les méthodes des oppresseurs. C'est les ça. Opprimés reprennent les méthodes des oppresseurs. Et donc, ça s'est passé chez elle. Très probablement, d'après plusieurs témoignages, elle était présente au moment des tortures. Donc, elle peut pas dire, comme elle l'a dit, qu'elle le savait pas vraiment. Ça. C'est très clairement sous sa responsabilité. Et c'est probablement les deux jours d'audience qui ont été les plus suivis en Afrique du Sud. On aurait aimé savoir qu'est-ce qu'elle en disait. Et il faut que Mgr Tutu vienne et revienne à la charge pour lui faire dire « Things went horribly wrong ». Les choses ont tourné horriblement mal. Et il la supplie, et c'est même pathétique, et elle finit quand même par le dire, par reconnaître que les choses ont mal tourné, même si elle ne reconnaît pas une responsabilité directe. Ah ben on va l'écouter, justement. Un extrait de l'audience, c'était le 4 décembre 1997. Je ne suis pas en train de me moquer. Je ne tolérerai pas que vous me parliez comme ça. Je n'accepterai pas. J'essaie de vous répondre de mon mieux. Excusez-moi, Madame Madikizela Mandela. Je ne veux pas vous faire sortir de ce tribunal, mais si vous continuez à vous comporter ainsi, je n'aurai pas d'autre option. Je ne vous veux pas dehors, mais cette audience doit se poursuivre dans la dignité. S'il vous plaît, je veux que vous restiez ici, que vous soyez là, mais cela doit se faire d'une manière digne, comme ça a été le cas jusqu'à maintenant. Vous comprenez cela? Merci. Thank you. Voilà, avec l'archive, on comprend bien. Il nous reste une minute, Georges Laurie, je vais vous poser une question en reprenant celle que je posais à la fin du récit. Je disais, la réconciliation tant voulue par Nelson Mandela et Desmond Tutu était-elle seulement possible? Le miracle sud-africain n'est-il qu'un mirage? Ce qui revient à savoir où en est l'Afrique du Sud dans ses rapports entre sud-africains, noirs, blancs, métis, 20 ans après la remise de rapport. Alors je pense que ce rapport a eu un effet très bénéfique pour que les Sud-Africains continuent à cohabiter. Réconciliation, je n'irai pas jusque-là. Mais le fait est que le pays vit et que les communautés sont ensemble et que s'il y a des gens qui sont partis, c'est en petit nombre et que le pays continue. Et ça restera donc quelque part un modèle, en tout cas un exemple de ce qui peut être fait. Tout à fait. Et ce sera le mot de la fin. Je vous remercie infiniment. Georges Laurie, au revoir. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, la commission Réconciliation en Afrique du Sud, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur France Inter, bien sûr, et merci à Clément Berman qui était à la technique aujourd'hui. Merci à toute l'équipe, puisque nous sommes jeudi, j'en profite, qui a préparé les affaires sensibles de cette semaine. Rédaction et recherche documentaire, Jean Bulot, Margot Pinel, Adrien Cara et Héloïse Davio. Attaché de production, Valérie Priollet. Coordination, Christophe Barrère. Programmation musicale, Muriel Pérez. Comédien très présent cette semaine, Philippe Pirard. Réalisation, Jérôme Boulet et Coyenne Guyenne.